moitié. Non merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une boule d'indemnité. D'égard à la bouche, un souffle de temps. Et un peu de repos, enfin un sourire dans les fonds du cœur. Thank you. laisser me dominer. Pas toujours au domino avec tes cheveux combinés. Tu n'es pas mignon, titi, et moi comme il est. Quand Berlino est joli, pas moi, mon au dîner. J'ai pas terminé, je suis bête au dîner. Je tiens le micro et je suis large, je peux dîner. Bon, dessiné, pèse le mot, presse le mot. Et prêt pour moi, halluciné. Quand je fais le go, là, c'est du ciné. J'ai le micro, la ferme avec ma dessine. Je teste mes gros, ma mère, c'est le mot. Je fais le zéro, comme une bonne raison de filmer. Qui est-ce que tu veux, je perds, je pas de filmer. Thank you.